marbrée d'ambre ou transparent, au nom de la lune, je t'attends. Bulle de silence, rouge tendre, sans défense, pour juste apprendre. Qui tremble sur l'heure dans le délire profond des yeux, tes désirs qui s'éveillent, voir le bruit.